Cours numéro 40. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-imam Abu Hatim ibn Hibban rahimahullahu ta'ala dhikru al-hathi ala ta'allum al-adab wa luzum al-fasaha. Ce chapitre, le 39e, fi dhikru al-hath ala ta'allum al-adab wa luzum al-fasaha, ay seliya Al-fasaha ay l'éloquence. Tout ce qui est lié à la langue arabe, le fait d'utiliser les bons mots. Qala rahimahullah akhbarana al-Hussein ibn Idris al-Ansari. Qala haddathana Ahmad ibn Abi Bakr an Malik an Zayd ibn Aslam an ibn Umar radiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna min al-bayani la sihra. هذا الحديث إلى في صحيح البخاري. قال أبو حاتم رحمه الله قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر البيان بالسحر. Dans ce hadith, النبي صلى الله عليه وسلم il a comparé le bayan, et la fasaha, l'éloquence, بالسحر avec la sorcellerie. Pourquoi? قال إذ الساحر يستميل قلب الناظر إليه بسحره وشعوذته. الساحر, il arrive à faire croire certaines choses à certaines personnes. Et tout ça, c'est bi idnillahi azza wa jal, et c'est une fitna. Wa qala wal fasih adh-dharib al-lisan yastamilu qulub an-nas ilayhi bi husn fasahatihi wa nadhm kalamihi. Et al-fasih, celui qui est éloquent, kadhalik il arrive à attirer les gens avec ses propos. Pourquoi? لأنه il est éloquent. والناس يتأثرون بالكلام الجميل الفصيح. Et la nature des gens, انهم ils sont touchés par les belles paroles, par les paroles éloquentes. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر. Et l'éloquence, أحيانا elle peut atteindre le niveau de sihr. Ça ne veut pas dire que l'éloquence, c'est de la sorcellerie, ça fait sortir de l'islam, c'est un péché. Là, on parle de niveau... La comparaison, c'est au niveau de l'impact. L'impact sur les autres. فَكَمَا أَنَّ السِّحْرَ يُؤَثِّرْ عَلَى بَعْدِ النَّاسِ. La sorcellerie, elle touche certains. Elle touche leur cœur. فَهَكَذَا الْبَيَانِ. Ça touche les personnes. قَالَ رحمه الله فالأنفس تكون إليه تائقة والأعين إليه رامقة وهذا لا شك ولا ريب أن الناس ils sont attirés, ils sont touchés par les paroles éloquentes. لكن une précision هنا, est-ce que هذا البيان الآن il est مذموم أو محمود? Certains peuvent penser que vu que al-bayan ou al-fasaha, l'éloquence, elle a été comparée dans ce hadith à la sorcellerie, c'est forcément négatif. Là, tout ça, c'est par rapport au contenu des paroles. Si al-mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala razaqahu fasahatan wa bayanan, si Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à un mu'min cette capacité de parler, d'argumenter, d'avoir cette éloquence, et il utilise هذا في الحق وفي نشر السنة. Il utilise cette éloquence pour propager la vérité, pour propager la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, pour argumenter contre les gens du faux, pour mettre en garde contre الشرك والبدع والمعاصي. Voilà, chacun d'entre eux c'est محمود. Il n'y a aucun doute. Et si c'est pour propager النميمة والغيبة, le mensonge, la médisance, la calomnie, plus grave que cela, la mécréance, la sorcellerie, c'est très très grave. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, قال في زاد المعاد كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأحسنهم أداء. Ibn al-Qayyim rahimahullah في زاد المعاد il a montré que la personne la plus éloquente c'était le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. Pour montrer à ça, que le fasaha c'est une ni'ma. C'est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, cette éloquence elle sera profitable pour l'abd si il l'utilise fi ta'atillah, pour obéir à Allah azza wa jalla et pour propager la parole d'Allah. فأفصح الناس على الإطلاق la personne la plus éloquente c'est le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام قال وأعذبهم كلاما وأحسنهم أداء وأحلاهم منطقا نعم كلام جميل et celui qui a étudié شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن ces أحاديث ils sont fondés sur la vérité et ils sont fondés sur des paroles des mots précis. Et tout cela, c'est très, très éloquent. Et ça touche les cœurs. Les cœurs de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidés. « قال كلامه يأخذ القلوب ويسبي الأرواح وشهد له بذلك أعداؤه » Même les ennemis du prophète, alayhi salatu wa salam, à son époque. Et كذلك بعد, ils ont témoigné de هذا, de l'éloquence de ces paroles, alayhi salatu wa salam. وانتهى كلام ابن القيم رحمه الله ونبأجوته هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت جوامع الكلم et parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à ce prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام plusieurs choses لكن on résume نحن on cite الشاهد قال أعطيت جوامع الكلم ça fait partie de l'éloquence. Le hadith il est vu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, et le lafd qu'on a cité, c'est lafd al-Imam Muslim. U'titu jawami' al-Kalim, ça veut dire quoi jawami' al-Kalim? Qabla hada, jawami' al-Kalim, c'est des ahadiths, matalan, que certains savants ils ont regroupés comme al-Imam al-Nawawi. Les 40 hadiths de l'Imam al-Nawawi, c'est min jawami' al-Kalim. Et des ahadiths très très courts. Ahyanan, c'est deux mots, trois mots, une ligne, deux lignes. Mouhim, ça reste un hadith court, même s'il y a quelques lignes. Et al-ma'na al-azim, comme qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin-niyyat. Ça, c'est min jawami al-kalim. Une phrase, et elle englobe énormément de ahkam. Bel, ma min amal. Chaque amal que le muslim y fait, il doit avoir une intention sincère. قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من جوامع الكلم إن فخاز عليه الصلاة والسلام pour montrer أن البدعة les inventions dans notre dîn celui qui fait une chose que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas faite ou n'a pas ordonné ou n'a pas accepté son œuvre elle est rejetée et هكذا si tu prends tous les ahadith que ce soit dans les 40 Nawawi ou dans Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim beaucoup de ahadith très très courts Et le معنى il est عظيم. قال أبو حاتم رحمه الله الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل وأحسن إزار يتزر به العاقل. الفصاحة ça embellit le مؤمن le croyant. لكن avec la précision qu'on a fait قبل. الفصاحة si هذه الفصاحة المبنية على التقوى الله أما كم من فصيح عيادا بالله قصده الشر كم من فصيح combien de personnes qui sont éloquentes et elles propagent le mal elles propagent la mécréance elles propagent les innovations cette remarque elle est importante الفصاحة avec التقوى فلهذا قال الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير تأمل ce verset Ibn Hibban, rahimahullah, il a cité un al-fasaha, c'est comme un vêtement. Ça embellit la personne. Allah subhanahu wa ta'ala qala fi al-Qur'an al-Karim wa libasu al-taqwa dhalika khayr. Le meilleur vêtement pour le mu'min, c'est la taqwa. Même si ce mu'min, il a des difficultés à parler, il n'est pas éloquent, il a des problèmes, mathalan, dans la langue arabe, لكن si il craint Allah Azza wa Jal et il fait des efforts فهذا il fait partie de Al-Muttaqoon et il s'est embelli avec le meilleur vêtement la taqwa et Al-Muttaqoon ils sont fil jannah أما كم من أعداء الله عز وجل ils avaient une façaha عجيبة مثلا à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام Certains min Quraysh qui ont combattu An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était des fusaha. Certains c'était des poètes, ils étaient connus pour eux, pour maîtriser la langue arabe, lakin ceux qui n'ont pas cru au prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui n'ont pas, qui ne se sont pas soumis à Allah Jalla wa Ala, la chaque, il n'y a aucun doute, cette éloquence, elle n'est d'aucun profit pour eux. Belle, ça sera une hujja contre certains yawm al-qiyamah. Il avait la capacité d'apprendre, il avait la capacité de comprendre, il avait la capacité de faire beaucoup de choses. هذا الكافر المجرم يرجت la vérité, ça sera une preuve contre lui. قال والأدب صاحب في الغربة ومؤنس في القلة. الأدب, le bon comportement, صاحب في الغربة, c'est comme un compagnon. صحيح أن quand tu te sens seul, الغربة c'est le fait d'être seul, comme un étranger, إما dans un autre pays, إما au milieu de gens qui ne sont pas comme toi. فلا شك أن في هذا الحال الإنسان يرسن de la غربة, أنه كأنه il est étranger. فالأدب في هذا الحال c'est très très profitable, le bon comportement. أن الإنسان يpatiente, الإنسان يفعل du ذكر, الإنسان يplace sa confiance en Allah عز وجل, الإنسان ne désespère pas. قال ومؤنس في القلة ورفعة في المجالس وزين في المحافل. نعم, كذلك le bon comportement, il n'y a aucun doute أنه ça embellit le croyant. Un croyant qui parle bien, qui ne ment pas, qui n'est pas grossier, qui est calme, qui accepte la vérité, qui propage la vérité, qui est souriant, qui est patient. Voilà, chacun a ces comportements qu'on vient de citer, ça l'embellit. Contrairement à celui qui a un mauvais comportement. قال وزيادة في العقل ودليل على المروءة. ومن استفاد الأدب في حداثته انتفع به في كبره. Ça c'est important. أن هذه الأدب qu'on a vu dans ce livre, et alhamdulillah on est arrivé à la fin du livre, tous ces comportements qu'on a étudiés ensemble, et c'est le thème de ce livre, Rawdatu al-Uqala, sur les bons comportements. Et كذلك le sujet d'aujourd'hui, الأدب et الفصاحة, tout ce qui concerne la langue, l'éloquence, etc. Enfin, c'est très très profitable si l'insan il l'apprend étant petit. Pourquoi? Quand il est encore jeune, quand il est encore petit, le petit, l'enfant, garçon ou vie, quand il est petit, il est prêt à accepter ce qu'on lui donne. C'est comme un tableau neuf, propre. Tu peux écrire ce que tu veux dessus, et c'est clair. Même un tableau ancien, ou que Katil Mounanas, ils ont écrit, Obama, il reste des traces, il a écrit, au bout d'un certain temps, tu as du mal à lire. Hakada, l'âge. Sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite, lakin Ibn Hibban, rahimahullah, l'an, il parle en général. Pourquoi? Deuxième exemple. La chakan al-makan, ou plutôt al-mawdi' na'am fi al-insan, qui va accepter hadhihi al-akhlaq, amla, c'est le cœur. Et le cœur, c'est comme un récipient. Et le cœur de l'enfant, il est nadif, il est propre. Kullu mawlud yulad 'ala al-fitra. Hakada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chaque enfant il naît 'ala al-fitra. Et al-fitra, c'est dans le cœur. Enfin, les enfants, ils ont un cœur propre, pur. C'est pour ça que ce cœur, c'est comme un récipient et il est prêt à accepter ce qu'on met dedans. Fa idha وفق الله سبحانه وتعالى les parents de cet enfant et il lui enseigne dès son plus jeune âge الأداب الطيبة والأخلاق الجميلة, et avec tout ça bien sûr fondé sur le Coran ou le Sunna ou le Tawhid, ça sera très très profitable pour cet enfant. Amma, arrivé à un certain âge, خاصةً ceux qui fréquentent beaucoup les autres, بعضهم, ils ont des choubah, ils ont le cœur sale, ils ont des ambiguïtés, des choubouhat, des shahawat dans le cœur. Ahyanan, l'insan arrive à un certain âge, il a du mal à même s'il accepte, à mettre en pratique certaines choses. Limadha li'annahu, il a pris des mauvaises habitudes. Wa ma'a hadha, celui qui fait des efforts, il nettoie ce cœur. Wa yajtahid. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné, mathalan, de ne pas mentir, de ne pas médire, de ne pas être grossier, de ne pas faire telle chose, c'est qu'on est capable. لأن الله سبحانه وتعالى ne nous impose pas une chose au-dessus de notre capacité. لكن هنا la remarque de l'imam Ibn Hibban رحمه الله par rapport aux enfants, c'est que pour eux c'est plus facile, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun doute dans tout, même dans la nourriture, Mathalan, anta, en tant qu'adulte, si tu as l'habitude de manger quelque chose et du jour au lendemain tu dois l'arrêter, un docteur il te conseille, tu dois arrêter de manger cette chose à cause du diabète, à cause. Tu auras du mal au départ, tu t'es habitué. Un enfant dès le plus jeune âge, si tu l'habitues, tu ne lui achètes pas telle chose et tu ne lui donnes pas telle chose comme aliment, il prendra l'habitude, il n'a jamais goûté. On doit faire des efforts, guider avec nos enfants. On a cité le côté positif, les enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Les téléphones, les fréquentations avec l'école, ça arrange pas les choses. Beaucoup d'ignorants, beaucoup d'insultes, beaucoup de mensonges, beaucoup d'hypocrisie, etc. Voilà, chacun a l'enfant, il est touché. Et il sera touché. L'être humain, il est touché par son entourage. Et encore plus, l'enfant. Donc l'enfant, c'est une ni'ma. Et tu dois le préserver. On fait tous des efforts pour préserver nos biens. Certains ils mettent à la banque, certains ils cachent chez eux, certains ils ont des coffres, certains ils... Tout le monde fait des efforts pour pr protéger ses biens. Pourquoi? Parce que c'est une ni'ma. Ah, on doit protéger nos enfants encore plus. Ah, l'argent, ça vient, ça part. Et l'argent, c'est une fitna. Ah, cet enfant, enfin, il n'y a aucun doute que c'est une très très grande ni'ma. Enfin, préserve-le, Akhil Karim. Préserve-le. Et pour le préserver, tu dois te préserver int. Yana, tu peux pas donner une chose, enseigner une chose à ton enfant que toi-même tu ne maîtrises pas ou tu ne fais pas. قال رحمه الله لأن من غرس فسيلا قال الفسيل في الحاشية صغار النخل أي الفسيل c'est un petit palmier يوشك أن يأكل رطبها. كذلك si tu prends soin de cet enfant, c'est toi qui profiteras. Cet enfant il est petit, c'est comme un petit palmier que tu vas planter. Tu dois l'arroser. Tu dois faire attention que personne ne le casse, lui casse ses branches, etc. Regarde cet enfant. Tu dois l'arroser avec l'ilm. Tu dois arroser son cœur avec la science, avec le tawjih, avec le bayan, avec les conseils. Kadhalik, cet enfant, comme tu protèges cet arbre, Ropama, contre, ça dépend des catégories d'arbres, contre la chaleur, contre le froid, que maintenant, que les gens ils n'écrasent pas cet arbre au départ, etc. Fais que t'as cet enfant, préserve-le. Comme min mujrim, comme min mufsid. Et on parle pas de protéger le corps contre les maladies, contre un tel, il va le frapper. Là, on parle du cœur. La plupart des enfants, alhamdoulilah, ils sont en sécurité niveau santé, niveau corps. Personne ne les frappe, personne. Là, le cœur, il y a ikhwan. C'est ce cœur qui est attaqué, laylan wa naharan. La mécréance, des idées de kafara de mujrimine, des péchés, des ambiguïtés, shahawat, etc. Le cœur de cet enfant, il est attaqué de toutes parts. On le répète encore une fois dans ce dors et on l'a répété dans beaucoup de chapitres, encore plus avec Internet, encore plus avec les téléphones, encore plus avec les réseaux sociaux. Cet enfant livré à lui-même, aucune connaissance, aucune expérience, et Morobama, il rentre Huna dans ce site, Thumma il sort, Thumma dans ce compte, et il dialogue avec un tel, et son cœur, il est exposé à tous ces dangers. Qala rahimahullah, wama yastawi inda ulil nuha. Oh, on a manqué un passage. Qala li anna man gharasa fasilan yushiku an ya'kula rutabaha. Na'am. Donc, on disait, là, si tu préserves cet enfant, c'est toi qui vas en profiter plus tard. Comme cet arbre que tu as planté, si tu en prends soin, enfin plus tard, tu récolteras les fruits. Si c'est un palmier, des dattes, si c'est n'importe quel arbre qui fait des fruits, tu en profiteras. Regarde à cet enfant. Si tu en prends soin au départ et tu fais des efforts, tu en profiteras plus tard. Fais dunya wal akhirah, fais dunya, il te respectera, il te défendra, il te donnera, etc. Il t'aidera jusqu'à ce qu'il t'enterre et kadalik après la mort. كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه ولد صالح يدعو له. L'être humain, quand il meurt, toutes ses œuvres elles s'arrêtent sauf trois. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a montré parmi ces trois ولد صالح, un enfant pieux qui fait الدعاء. En éduquant tes enfants, en fait, tu prépares ton au-delà. Cet enfant, quand tu vas t'enterrer, si c'est un homme pieux ou une femme pieuse, garçon ou vie, il fera des du'as pour toi et tu profiteras dans ta tombe. لأن الله عز وجل كريم مجيب لدعاء المؤمن الصالح المخلص. Anta, tu profiteras jusqu'à un yéché Allah. Et avec un enfant mujrim, Rabbama, il enterre ce parent et il se précipite à voir qu'est-ce qu'il peut prendre comme héritage. Pour moi, ça s'arrête là. Hattam, s'ils se rappellent de leurs parents, c'est avec des bida'a. Il y en a, cet enfant, il n'a pas éduqué à la sunna, à la in, peut-être qu'il va faire des choses shirkiyat, bida'a, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas. On doit réfléchir à hakada. Cet enfant, ne l'utilise pas que pour préparer ton avenir fi dunya. Il doit faire des études, même si c'est dans le haram. Il doit apprendre telle chose, même si ça fait énormément de mal. L'essentiel, c'est qu'il a un diplôme, il travaille, et qu'Anna, cet enfant, on l'utilise que pour nos poches. Na'oudou billah. Cet enfant, il peut mourir à tout moment. Enfin, prépare cet enfant pour l'étape la plus principale après la mort, sans négliger le dunya. S'il a besoin de certaines choses, et là, je sais qu'il aura besoin de certaines choses pour dunya, qu'il apprenne un métier, des choses utiles. Enfin, alhamdoulilah. C'est taïb tant que c'est pas dans le haram et tant qu'il n'y a pas un danger pour lui. Il va penser qu'à cette dunya, qu'à cet enfant, il ne va jamais mourir. C'est mina al-khudlan. أعاذنا الله وإياكم من الخذلان. قال رحمه الله: وما يستوي عند أولي النهى ولا يكون سيان عند ذوي الحجى رجلان أحدهما يلحن والآخر لا يلحن. ثم رحمه الله il a recité le point concernant l'éloquence et il a montré هنا أن tu peux pas dire que un homme qui fait يلحن. L'ahnou, c'est les erreurs en langue arabe. Il met une dhamma au lieu d'une kasra, il met une kasra au lieu d'une fatha. C'est ça l'ahnou. Se tromper dans la langue arabe. Et là, jacqu'anna, c'est un manque d'éloquence. Tu ne peux pas comparer celui qui fait des efforts. Voilà, il est éloquent, il ne fait pas ses erreurs. Et un autre qui n'a pas d'éloquence et qui fait beaucoup d'erreurs. Lakin, on le répète, hada, s'ils sont au même niveau, fi taqwa, na'am. Deux personnes, ils font des efforts, fit din, fit sunna, etc. Et un d'eux, il a fait des efforts, et il est plus éloquent, il fait moins d'erreurs en arabe. Là, chacun a celui qui a fait des efforts, c'est une fadila pour lui. C'est une fadila, et alhamdoulilah, c'est un rang qu'il a atteint avec ses efforts, fait avec hadash shart. Ou il avait un mu'min qui fait des erreurs, qui n'est pas éloquent, qui fait des erreurs dans la langue arabe, qui se trompe, là, qui n'est pas à la tawhid ou sunna. On ne peut pas le comparer à un munharif. Que ce soit un kafir, c'est clair, ou hatta mubtadi un vol, même s'il est éloquent. Il y en a son éloquence avec al-bid'a, c'est pas profitable. Qala rahimahullah, Sami'tu Ishaq ibn Ibrahim ibn Ismail al-Qadhi yaqul, Sami'tu ibn Akhi al-Asma'i yaqul, Sami'tu Ammi yaqul, Ta'allamu an-nahu, فإن بني إسرائيل كفروا بكلمة واحدة كانت مشددة فخففوها قال الله لعيسى يا عيسى إني ولدتك فقرأوا يا عيسى إني ولدتك مخففة فكفروا ونعم هذا المثال الله أعلم بصحته لكن لا شك أن la langue arabe c'est une clé pour comprendre le din. فكم من الناس ils ont du mal à comprendre les textes. لماذا لأنهم يزنيون la langue arabe. L'exemple qu'il a donné, c'est par rapport à une haraka ou une shadda. Une shadda ou qu'il ne faut pas, ça change al-ma'na. Enfin, que dire de celui qui ne connaît pas la langue arabe aslan? Hada, il aura recours à des traductions. Et la traduction, c'est pas l'œuvre originale, abadan. Quand tu lis une traduction d'un livre d'un savant, tu ne lis pas le livre du savant. Là, tu lis une explication du livre du savant. Il y en a, la traduction, c'est comme une explication. Il y en a l'arabe, ça ne peut pas se traduire mot à mot. Donc, certaines choses, le traducteur, il sera obligé de faire un ijtihad, un effort, et de donner une explication. Est-ce qu'elle est bonne, elle est fausse, c'est autre chose. Allez, là, on doit faire des efforts pour apprendre la langue arabe. Amma, al-Qur'an al-Karim fait encore plus. Le Coran al-Karim, tu ne peux pas le traduire mot à mot. Là, les traductions, c'est la traduction des sens. C'est comme un tafsir. C'est comme un tafsir en français, l'explication du Coran en français. Enfin, ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est une explication. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle est proche? Elle n'est pas proche du sens? Enfin, ça dépend des traductions. Enfin, à la kulli hal, on fait des efforts. fais des efforts dans la langue arabe, c'est la clé, miftah al-ulum, pour comprendre hadha al-ilm. Pourquoi? Il y en a le Coran, c'est en langue arabe, la sunna, c'est en langue arabe. Les savants, ils parlent en langue arabe. Les ouvrages, ils sont en langue arabe. Hadha al-ilm, c'est en langue arabe. Si tu veux avancer, vu l'ilm, fais des efforts dans la langue arabe. Lakin, sans négliger l'asl. Et c'est pas tout le monde qui peut faire des efforts en langue arabe et apprendre assez rapidement pour se consacrer à l'essentiel. Si c'est un enfant, si c'est un enfant, il se consacre à la mémorisation de la langue arabe, ça va lui être très très utile. À mon conseil, nos frères, si c'est des adultes, ils n'oublient pas l'asl. Allah subhanahu wa ta'ala قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Allah nous a créé que pour qu'on l'adore. Enfin, on doit apprendre c'est quoi cette adoration, c'est quoi le tawhid. Donc daiman, même si les frères ils font des efforts dans la langue arabe, laquelle l'essentiel est le juhd al kabir, au départ c'est dans le tawhid. Tu dois apprendre le tawhid. Limadha li anna, tu peux mourir à tout moment, tu peux mourir à n'importe quel moment, et ce qui sauve l'être humain dans sa tombe, yawm al-qiyama, c'est at-tawhid. La langue arabe, si tu peux, alhamdoulilah, lakin, si tu peux pas et tu sens que tu es très très limité dans le temps, ça fait des efforts fi tawhidillah. Alhamdoulilah, à notre époque, beaucoup de talabat ilm qui font des efforts, qui propagent at-tawhid en langue française, en langue arabe, et ensemble, wallillahi alhamd, on a fait plusieurs durus, et on essaye de mélanger langue française, langue arabe, pour faciliter à nos frères. Et alhamdoulilah, tu avanceras et néglige pas la langue arabe. Mais l'erreur que certains font que la langue arabe, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, toujours dans la langue arabe, et Obama il ne maîtrise pas encore, et il ignore complètement le tawhid, c'est pas ça la religion de l'islam. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'ad au Yémen, faqala lahu radiyallahu anhu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, il lui a dit, فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ شَهَدَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Et dans une riwaya, أَنْ يُوَحِدُ اللَّهُ. C'est la première chose. Une fois que tu as des bases dans le tawhid, كَذَلِكُ, on donne l'importance à salat, comment faire salat. Ceux qui ont de l'argent, ils doivent prendre des cours, comment faire pour sortir zakat, etc. Celui qui doit faire le hajj, il donne du temps avant d'aller au hajj pour l'apprendre. Une fois que tu as ces bases, alhamdoulilah, si tu veux te prendre du temps et te consacrer en langue arabe, et en parallèle, ne pas négliger les autres ulum. Enfin, cette remarque, elle est importante. Il y en a quand on lit ce genre de livre, ou plutôt ce genre de chapitre sur les mérites de la langue arabe, il faut se consacrer qu'à ça là. Voilà, la langue arabe, on est tous d'accord, pour l'a'ajim, ceux qui ne sont pas arabophones de naissance ou d'origine, là, chaque année, ils font énormément de temps pour certains. Surtout si le rythme n'est pas soutenu. Surtout si c'est de temps en temps un cours, thumma, il y a des coupures, thumma, on oublie, on doit revenir au départ. Ça peut durer 10, 15, 20 ans et tu ne comprendras pas l'arabe. Donc, fi hadha al-hal, al-muslim, il faut qu'il fasse passer l'essentiel avant, la priorité. Apprends ton din. Étudie al-usul al-thalath, étudie kitab tawhid, étudie l'explication de Sourate al-Fatiha, du Juz Amma, du Coran. Étudie Sifat al-Salah de l'imam al-Albani, rahimahullah. Étudie al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam. Ces ouvrages que l'ulama ils ont cités, c'est des fondements et ça va t'ouvrir les portes dans l'ilm. Et Rubbama, هذا c'est malhoud, et on l'a vu, Rubbama ba'd al-Ikhwan, en faisant des efforts au Tawhid au départ, ils vont tellement aimer, كذلك, leur foi, elle va monter, ça va leur donner de la force pour refaire beaucoup d'efforts dans la langue arabe. Les malades, les annaoum, ils ont goûté au ilm et ils voudront encore plus. Et bien sûr, arrivé à un moment, tu as forcément besoin de la langue arabe si tu veux détailler, approfondir. Hadihi, c'est la bonne méthode, inshallah ta'ala. Qala wa haddathana al-Husayn ibn Ishaq al-Asfahani, qala haddathana Abu Umayyah, qala haddathana Abdullah ibn Salih al-Ijli, qala haddathana Abu Zayd al-Nahwi. قال جاء رجل إلى الحسن فقال ما تقول في رجل ترك أبيه وأخيه فقال الحسن ترك أباه وأخاه. تأملوا هنا, تأملوا, c'est un récit concernant une faute في النحو. un homme avec un imam. Al-Hassan, min a'immati as-sunnah, la chakannahu, il maîtrisait la langue arabe parfaitement. Un homme, qala la, ma taqul fi rajulin taraka abi wa akhi. Il a voulu lui poser une question, lakin il s'est trompé dans la formulation. Il a eu un problème de langue arabe concernant la grammaire. On relit sa phrase, qala madha ma taqul fi rajulin, qu'est-ce que tu penses d'un homme, taraka abi wa akhi. Donc qu'est-ce que tu penses d'un homme qui a délaissé son père et son frère? Ceux qui ont étudié An-Nahu, ils ont directement compris l'erreur, vu l'erreur. Khasatan, ceux qui ont le livre sous les yeux. Al-Hassan, il lui a répondu taraka aba wa akha. Al-Hassan, il l'a corrigé. Les Anna, on ne dit pas taraka abi wa akhi. Là, on dit taraka aba wa akha. Naam, akha wa aba, ils sont mansoub wa alamat al-nasb, c'est l'alif. La preuve, c'est qu'il y a un fi'l avant taraka et rajul, taraka man, akha wa aba. Donc ces deux maf'oul, ils sont mansoub et alamat al-nasb, c'est un alif. Donc en arabe, si tu ne veux pas faire de faute, et ça fait partie de l'éloquence, tu dis taraka ar-rajul aba wa akha. Taraka, c'est un fi'l, c'est un verbe. Ar-rajul, c'est le fa'il, c'est le sujet, c'est lui qui a délaissé. Akha wa aba, c'est eux qui ont été délaissés, c'est le maf'oul. Donc, al-fa'il en langue arabe, il est toujours marfou. Et quand c'est un mot singulier, alamat al-raf, c'est une dhamma, donc on dit taraka ar-rajulu, et après on dit akha wa aba. Donc quand il l'a corrigé, suivez l'un, on répète l'erreur. Qala ma taqul fi rajulin taraka abi wa akhi. Faqala al-Hassan, avant de répondre à la question, il a corrigé l'erreur en langue arabe. Il lui a dit taraka aba wa akha. Il l'a repris, c'est comme s'il lui avait dit ne dis pas taraka abi wa akhi, ça ne se dit pas en langue arabe, mais dis plutôt taraka aba wa akha. Donc jusqu'ici c'est compris. Faqala ar-rajul, l'homme il a continué, lakin il ignorait la langue arabe. Il ne connaissait pas ses règles. Il va faire une deuxième erreur. Qala ar-rajul fama li aba wa li akha. Donc il a continué sa question. Ka'annahu lui a dit j'ai compris ce que tu m'as dit. Donc qu'est-ce que son père et son frère ils ont? On répète. Fama li aba wa li akha. Donc il a voulu poser la question. Ka'annahu c'était une question par rapport à de l'argent ou autre, à une certaine part entre membres de la famille. Et Huna, c'est pas important, hada, lakin, pour qu'on suit. Faqala al-Hassan, il a répondu, fama li abi wa li akhi. Il l'a corrigé avant de répondre encore. Pourquoi? Il a dit fama li aba. Huna, ça change. Tu peux plus dire aba. Pourquoi? Parce qu'il y a l'âme qui rend le ism après majrour. Tu peux pas dire li aba, tu dis li abi. C'est comme le harfi. Tu dis fil masjidi, tu dis pas fil masjida ou fil masjido. Il y a fi avant harf jar, enfin le ismi de majrour. Et vu que abu wa akhu, c'est min asma al khamsa, et alamat al khafd wal jar, c'est quoi? C'est lié. Donc tu dis pas fama li aba, tu dis fama li abi wa li akhi. Il a recorrigé. Faqala al hasan fama li abi wa li akhi. Il a repris. L'homme, il n'a pas compris. À chaque fois qu'il dit une chose, vous avez remarqué que le premier exemple, il a bien dit abi wa akhi, alors qu'il faut le dire aba wa akha. Tomba la deuxième fois, il faut le dire abi wa akhi. Il a dit aba wa akha. Huwa, il a compris, il a cru que Al-Hassan, il se moquait de lui. Dès qu'il lui dit une chose, il le suit. Tomba, quand il le suit, il lui dit là, il faut revenir au premier cas. Faqala Al-Hassan fama li abi wa li akhi. Faqala ar-rajul kullama tab'tuk khalafta. Thomas, l'homme, il s'est énervé à la fin. Il a dit à Al-Hassan, à chaque fois que je te suis, tu m'as dit de dire au début, taraka abah wa akha. Enfin, je l'ai dit. Dès que je l'ai dit, tu me dis de dire abi wa akhi. Il s'est énervé. Ça nous montre que l'ignorance, ça peut pousser à l'énervement. L'ignorance, ça peut pousser à ce genre de choses. Croire en l'inzan, il se moque de toi. Alors que là, Al-Hassan, rahimahullah, c'est un grand imam, et il l'a corrigé. Il y a des cas quand on se fait corriger par un imam de la sunna, par des gens qui sont occupés, qui font des efforts fil ilm, on doit garder notre sang-froid. Demande-lui pourquoi. Dans ce cas, il aurait dû demander pourquoi. Pourquoi à chaque fois je te suis, tu me dis ça, explique-moi. Amma huwa ka'annahu huna, il s'est énervé. Wallahu musta'an. Donc ça, c'est une mas'ala directement liée au nahu. قال أبو حاتم رحمه الله الكلام مثل اللؤلؤ الأزهر والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر إلا أن بعضه أفضل من بعض. لا شك هذا أن الكلام الجميل les bonnes paroles, enfin c'est des bonnes paroles, لكن هناك paroles elles sont meilleures que d'autres. ومنه ما يكون مثل الخزف والحجر والتراب والمدر وأحوج الناس إلى تعلم الآداب ولزوم الفصاحة أهل العلم لكثرة قراءتهم الأحاديث وخوضهم في أنواع العلوم. L'exemple qu'on a cité avant, l'histoire de Al Hassan avec cet homme, ربما cet homme, c'est un عامي من العوام. Ça peut arriver, ce genre d'erreur. Voilà, chaque que ça arrive. Si tu viens à regarder Al Awam quand il parle arabe, surtout à notre époque, Al-An, c'est des lahajat, et beaucoup, ces dialectes, ils sont très très loin de la langue arabe. Khassatan, plus tu t'écartes de la région du prophète alayhi salatu salam, Al-Jazira al-Arabiya, où le Coran il a été révélé, plus tu t'écartes, plus Rabbama, la langue arabe elle est faible, elle est affaiblie. Fil Awam, ça arrive, hada. Et nahnu, on n'est pas là pour corriger les fautes de nahou de l'Awam. Ami, on a cité l'exemple de Al-Hassan, il y en a via Fawaid, ou il y a un ami qui te parle et tu as des connaissances dans le Nahou, si tu commences à le corriger dans les erreurs de Nahou, il ne va rien comprendre. Et elle est où le Fa'ida? Là, Al-Ami, on doit lui montrer Al-Tawhid. Comme min Awam, ils ont des problèmes dans le Tawhid. Ou yushrikouna billah, beaucoup. Ils demandent à Sidi Voulan, ils vont voir les morts, les tombes, etc. On doit leur enseigner Al-Sunnah. Et un ami qui est à la khair, qui adore Allah seul, qui suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui fait des efforts, il est à la khair, même s'il fait des efforts, même s'il fait des erreurs dans la langue arabe. Lakin al-aib. Et c'est cette remarque qu'il a fait encore ici, al-mu'allif, l'auteur, rahmatullah alayhi, c'est al-lahn, inda ahl al-ilm wa talabat al-ilm. Amma, si tu fais des efforts fi al-ilm, et tu veux être un étudiant en science, encore plus un savant, tu dois faire attention. Li'anna, il y a des erreurs, c'est un aïb clair qui montre l'ignorance. Et ça ne veut pas dire que les savants et talabat al-ilm, quand ils parlent, ils font aucune erreur. Tu entends des savants ou des talabat al-ilm, et tu entends, au lieu de mettre une kasra, il met une dhamma, ça arrive. Quand l'insan, il parle beaucoup, le dars, il dure une demi-heure, 45 minutes, une heure, il ne fait pas attention, il se trompe. Il n'y a aucun mal. Lakin, les erreurs, toujours, ça se voit qu'il n'a pas étudié la grammaire, al-nahu, was-sarf, et kadalik dans des choses très très simples. Maintenant, al-mubtada, il met une kasra toujours. Et al-fa'il, il met une fatha. Wa hakada, hada, c'est un naqs, c'est un aïb. Et ça montre, al-nahu, s'il a eu des manquements dans les règles de base que des enfants, normalement, ils doivent assimiler, comme ce qu'on vient de dire, al-fa'il ou al-mubtada, etc. Rupama, il a des autres manquements dans des choses encore plus importantes. On doit se corriger et on doit faire des efforts pour éviter al-lahn. Al-ulama, a'immatu al-sunnah, ils n'appréciaient pas al-lahn. Et pour eux, c'est un aïb, c'est un défaut inda celui qui s'occupe de al-ilm. Amma, on le répète, al-awam, fa'a'oula la-shak an-nahum, ils ont beaucoup d'erreurs dans ça. Les madhas, ils n'ont jamais étudié le fun et ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas ce que cette matière, elle signifie. Hada al-bab, il est mukhtasar, et à la kulli hal, on peut résumer l'importance de la langue arabe. Anna, l'éloquence, ça embellit al-mu'min, comme le comportement, ça l'embellit. Fahakada, celui qui est éloquent, khasatan, si cette éloquence, elle est utilisée pour propager la vérité, pour mettre en garde contre le faux. Enfin, tout ça, c'est profitable. Et on a fait un tambih, on a fait une remarque importante. Ça ne veut pas dire qu'on se consacre à la langue arabe et on délaisse l'essentiel et le point le plus important, apprendre notre aqida, notre foi, notre croyance, apprendre le sens de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, apprendre les piliers de l'islam, etc. Enfin, ça, c'est pas min al-hikmah. On peut faire une dernière remarque, toujours liée à la langue arabe. Ihdhar, akhil karim, fais attention, min dirasat اللغه العربيه عند اهل البدع والاهواء. Fais attention, c'est une fitna. Les anna, dans certains cas, tu trouves بعض الاخوه Ils ont avancé dans le tawhid, dans beaucoup de choses. Alhamdoulilah, ils ont des bases et ils ont besoin de la langue arabe. Et eux, ils sont concernés, ils doivent faire des efforts dans la langue arabe. Là, qu'ils sont dans un pays, dans une région, dans une ville, il n'y a pas d'école à la sunna. Il n'y a pas de professeur à la sunna. Il peut avoir une école ou un professeur qui est connu, qui a un bon niveau. Et ils sont efficaces dans cette matière. Une structure, ou même un frère qui donne des dourous, il est performant. Fihada. Là, qu'il est un munharif, c'est un dal. إما إخواني إما أشعري إما صوفي إما تبليغي إما من هؤلاء الضلال. Fais attention. لأن on ne doit pas prendre la langue arabe comme une passion. Apprendre la langue arabe, ce n'est pas comme apprendre un sport. Ce n'est pas comme apprendre quelque chose min ulum al-dunya. La langue arabe, ça fait partie du din. C'est la langue du Coran. Le Coran al-Karim, kalam Allah azza wa jal. C'est la langue du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc, هذه اللغة لها شأن عظيم. Et anta, si tu apprends la langue arabe, ce n'est pas pour travailler ou pour dunya. Là, les frères qui apprennent la langue arabe, c'est pour avancer dans leur din. Fais attention de ne pas contredire la voix des salaf en voulant apprendre ton din. Awalan, il n'y aura pas de baraka. Allah subhanahu wa ta'ala met le baraka dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et ثانيًا, apprendre la langue arabe عند هؤلاء, tu seras en danger. اسمع الى كلام اهل العلم رحمهم الله par rapport à cette مساله le fait d'étudier la langue arabe ou autre chez les innovateurs. قال ابو قلاب رحمه الله عليه كما في الابانه للامام ابن بطه رحمه الله عليه لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تجادلوهم. Ne fréquentez pas les innovateurs. Pourquoi cette نصيحه et pourquoi les imams et ils ont rapporté l'unanimité, tous les savants, pourquoi ils insistent sur ce point? Tu n'es pas à l'abri. Tu vas apprendre la langue arabe. C'est un ash'ari, c'est un soufi, c'est un munharif min al-munharifin. Tu n'es pas à l'abri. Tu veux une chose, tu veux acquérir une chose, c'est la langue arabe et c'est très très profitable. Lakin, il peut te donner une chose très très dangereuse. Il peut t'expliquer un verset du Coran, les Anna. Et c'est là le danger. C'est qu'en langue arabe, le professeur en général, il va citer comme exemple imma des versets du Coran pour te montrer maintenant tellement c'est un sujet, tellement c'est un mev'oul, imma un hadith du professeur, imma un exemple parmi les exemples de dunya. Lakin, si je choisis un exemple du Coran, et c'est un égaré. Mathalan, qawluhu azza wa jal wa kallam Allahu Musa taklima. Qui c'est qui a parlé? C'est Allah. La preuve, c'est que Allah, l'afdul jalala, il y a une dhamma. Et la dhamma, c'est pour al-fa'il. L'afdul jalala, c'est le fa'il huna. C'est Allah qui a parlé. Al-munharifin, il récite le verset en mettant une fatha à la place. Wa kallam Allah Moussa taklima. Hey, c'est Moussa qui a parlé à Allah, azza wa jal. Tout ça pour montrer qu'Allah, il ne parle pas. Fa, si ce mudarris, c'est un munharif. Et en même temps, il veut propager sa aqida. On ne doit pas être firafla, dans l'insouciance. As-Sunni, même quand il donne des cours d'arabe, il en profite pour propager as-Sunna wa tawhid. C'est normal. L'exemple que j'ai cité, wa kallam Allahu Musa taklima, as-Sunni, peut-être qu'il va faire une remarque, et on profite de ce verset, avec les fawaïd qu'on a vu dans la langue arabe, que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, il a parlé à Musa. Et l'attribut de la parole, c'est un attribut sahih. Et on a plusieurs adillah. Alhamdulillah, tu propages. Celui qui apprend عند أهل البدع والأهواء, si lui explique هنا أن الله عز وجل il parle pas et ça rentre dans son cœur à cause de son ignorance, au minimum ça lui met des doutes. فماذا, qu'est-ce qu'il va faire? On répète. قال فإني لآمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. Tu n'es pas à l'abri de leurs égarements. أو يلبس عليكم ما تعرفون. Ou à chaque fois que tu sors du cours des choubas, vu que tu sais que c'est un innovateur, c'est un égaré. Toi, tu veux prendre que la langue arabe, lakin il a dit une chose. Il m'a dans le fiqh. Il m'a dans l'aqida, c'est encore plus important. Ça peut être beaucoup plus grave. La vie de l'Hal, t'es obligé d'aller rechercher. Est-ce que c'est vrai? Un jour, tu sais pas. C'est pas toi qui guide ton cœur. Enfin, préserve-toi, Akhil Karim. Qala Abdurrahman ibn Abi Zinad, rahimahullah, min a'immati as-sunnah. Il est mort en 174. La génération de l'imam Malik, rahmatullah alayh. قال أدركنا أهل الفضل من خيار awwaliyati an-nas. Il fait partie de atba' at-tabi'in. Et il a connu at-tabi'in et at-tabi'un, ils ont connu as-sahaba radiyallahu anhu, qu'ils ont pris directement du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il parle de ces premières générations, as-salaf, ahlul khayr wal huda. Qala ya'ibuna ahl al-jadal wat-tanqib wal-akhd bir-ra'y ashadd al-'ayb. Ils mettent en garde contre les innovateurs, ceux qui délaissent les textes. Qala wa yanhawnana an liqa'ihim wa mujalasatihim wa hadharuna na'am. كانه مقابلتهم كانه اللقاء بهم لو مو ليه با واضح قال وحذرونا كانه مقابلتهم او مجالستهم اشد التحذير. Cet imam qui a pris des imams avant lui, donc c'est la voix des salaf, هنا يسيت ان les imams des premières générations, ils mettent en garde contre les innovateurs et ils mettent en garde de, le fait de s'asseoir avec eux, اشد التحذير, avec des mises en garde très très fortes, très très fermes. Pourquoi les Anahou, il y avait un énorme danger pour la Oumma. Wahad an, il veut dire, mais Anna, je veux prendre que la langue arabe. Je ne prends pas sa bida. Hada sumin el jahl. Ça, c'est un manque de connaissance de la voix des salafs. Les salafs, ils n'ont pas dit, prends ce que tu as besoin et délaisse ce que tu n'as pas là. Au contraire, ils ont mis en garde, Anna, tu peux avoir des ambiguïtés. Pourquoi? Parce que si tu apprends, c'est que tu n'as pas de science. Et ce manque de science, tu n'auras pas ce discernement. La solution, c'est quoi? Préserve-toi. Préserve-toi. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fi sharh al-hilya, wa qad marra alayna fi ad-dars al-madi, annahu wa in kana al-mubtadi' indahu 'ulum la tujad 'inda ahli as-sunnah wa la ta'alluq bil 'aqidah ka masail an-nahw wal balagha. Kalam jamil. Cheikh Ibn Uthaymeen a fait cette précision, et même si on dit que ce munharif, il a une science que Ahl al-Sunnah, ils n'ont pas. Maintenant, dans cette ville, la langue arabe, il n'y a que lui qui maîtrise la langue arabe. Nos frères de Ahl al-Sunnah et Salafi, ils ne maîtrisent pas la langue arabe. Donc, est-ce qu'on peut aller vers lui? Kadhalik, le cours, c'est que la langue arabe. Il ne parle jamais d'aqida, de tawhid, il ne parle que de la langue arabe. Cheikh Ibn Uthaymeen قال وإن كان المبتدع عنده علوم لا توجد عند أهل السنة ولا تعلق بالعقيدة كما سيل النحو والبلاغة وما أشبهها فلا تأخذ منه لأنه يتولد من ذلك مفسدة. C'est un كلام أهل العلم. On doit faire attention, on a de pas écouter les conseils des ignorants. Il va te montrer ou que le côté positif qu'il a compris lui. Non, la langue arabe c'est bien, ne l'écoute pas si c'est un innovateur, prends la langue arabe et fais des efforts. Ça, c'est pas une nasiha qui est fondée sur l'ilm. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, l'imam, le faqih, il a dit, tu ne prends pas de lui. Même si il n'appelle pas à sa bid'a, et il ne parle pas de aqidah, etc. Et même s'il n'y a que lui. Pourquoi? Parce qu'il y a deux énormes dangers. Le premier, irtiraruhu bi nafsi, anna si hada al-munharif, beaucoup de gens, ils viennent chez lui prendre des cours d'arabe. Et kadalik, ils voient le sunnah salafiyyun, qui ont l'habitude de critiquer les innovateurs bihaq. Et ouais, il va aller voir chez lui des assises, des frères, hakada minhuna wa minhuna. Enfin, c'est irtar. Il va peut-être croire que en fait, c'est bon. Il pense que j'ai de la science, que je suis sur la vérité. Na'oudou billah. Ça, c'est la première mafsada. Donc, c'est un mal pour ce professeur. Et nous, si on peut le conseiller, on le conseille. S'il n'accepte pas, on met en garde contre ahlul bid'a wa dhalal. Amma aller chez lui, assister à ses cours, il y a un darar. عظيم. لا دوزيام مفسدة لو دوزيام ميفا اغترار الناس به لأن الناس نعم لأن الناس لا يعلمون لذلك لأن الناس لا يعلمون لذلك يجب الحذر. كذلك اغترار الناس نوبلي با أنت tu assistes au cours. Peut-être ce professeur il a des cours en langue arabe et ça arrive souvent et il a des cours dans le fiqh, dans l'aqida, dans le tawhid. Un munharif من المنحرفين. Et أنت tu choisis le créneau arabe et tu dis, moi, je prends pas sa bid'a, je prends que l'arabe. On a cité la première mafsada. La deuxième, c'est que les gens, ils vont te voir. Peut-être que Wahed, il va te voir aller au cours, il va dire, hala, mashallah, il suit sunnah, il fait beaucoup d'efforts, il prend des cours chez ce professeur, donc moi aussi, je vais prendre. Peut-être que lui, il va pas prendre an-nahw wa al-balagha. Peut-être qu'il va prendre at-tawhid wa al-aqida, il va s'égarer. On a une responsabilité. Ça, c'est les deux mafsada qu'il a cité. ثم حذر رحمه الله une autre mafsada kabira, une autre mafsada, il en a cité deux, lakin une mafsada encore plus grande qu'il a cité toujours dans le Sharh al-Hilya juste après. قال احذر أن تجلس إلى صاحب بدعة ولو في الفنون التي لا علاقة لها ببدعته، لأنه لابد أن يدس السم في العسل. نصيحة من إمام مشفق رحمة الله عليه. Cet imam, Cheikh Ibn Uthaymeen, il était connu, il voulait le bien pour Talabat al-Ilm. Et il était connu, il n'était pas injuste envers les autres dans les critiques. Là, il parlait bihaq, rahmatullah alayh. Il a fait cette nasiha. Il a dit, même si c'est un cours qui n'est pas lié à sa bid'a, matalan, dans les noms et les attributs, dans Tawhid, etc., c'est que la langue arabe, il a dit, fais attention. Pourquoi ? Li'anna al-mubtadi'a, ce n'est pas des personnes de confiance. Celui qui assiste au cours d'un innovateur, avec ce que ça implique comme ignorance, qu'est-ce qui s'est passé quoi un innovateur? L'innovateur, il a du makr, il ruse. Oh, certains de ceux qui ont étudié, qui donnent des cours, il n'oublie jamais son madhab al-mubtadi'. Comme toi, en tant que sunni, ton espoir, ta volonté, idnillahi azza wa jalla, c'est de propager la vérité. Fahoua kadhalik, il a un madhab, il a une voix, et il fait tout pour la propager. Donc, fais attention. قال الشيخ ابن عثيمين لابد أن يدس السم في العسل. العسل c'est la langue arabe, c'est comme du miel. لكن المنحرف المبتدع dans ce miel, dans cette langue arabe, forcément il mettra un peu de poison. Comme on a dit avec un exemple. Une haraka, l'exemple qu'on a cité. Une haraka, une fatha, à la place d'une dhamma, ça peut changer une aqida. فحذروا لأن on entend أن بعض الإخوان يسلس عليه في هذا. Que ce soit des cours dans un masjid, dans une classe, dans un institut, ou en ligne. Écarte-toi de Ahlul Bida'a. En présentiel, comme ils disent à notre époque, l'Ansa, ils emploient beaucoup ce mot. Ou en ligne, écarte-toi. Écarte-toi de Ahlul Bida'a wa al-Dalal. Qala al-Imam al-Zahabi, rahmatullah alayh, قلت, ay l'Imam Zahabi, dans Siyar A'lam Nubala, أكثر أئمة السلف على هذا التحذير. أي contre les innovateurs. La plupart des imams. بل الإمام الدارمي والإمام الشاطبي والإمام أبو عثمان الصابوني رحمة الله عليهم. Et d'autres, ils ont rapporté les jama'a. الإمام الأجري والإمام ابن بطة. هؤلاء الأئمة, ils ont rapporté الإجماع عن هذا. أي de s'écarter de أهل البدع والضلال. قال يرون. La cause. C'est quoi? Pourquoi? يرون أن القلوب ضعيفة. C'est ça, on doit bien comprendre hada, ça va être profitable inshallah ta'ala pour tout le monde. Pourquoi tu dois éviter mujalasatu ahli al-ahwa wal bid'a plus que tu évites mujalasatu ahli al-fisq wal ma'siyah? Pourquoi? قال لان القلوب ضعيفه, لان les cœurs ils sont faibles. Ça c'est à l'époque de l'imam al-Zahabi, l'époque juste après Cheikhul Islam Ibn al-Qayyim etc. هؤلاء المجددون العلماء المحققون avec tout le khir qu'il y avait à leur époque. Que dire à notre époque? القلوب ضعيفة والشبه خطافة. Et les شبه elle n'épargne pas. خطافة, elle peut te prendre hakada brusquement sans que tu t'en rendes compte. Préserve ta foi akhil karim et n'expose pas ton din au danger pour apprendre la langue arabe ou pour apprendre telle chose. Là, apprends ton din si tu peux apprendre la langue arabe. Fahmadillah, ijtahid fi dirasati al-arabiyya 'inda ahli al-khayr was-sunnah. Et si tu peux pas, fa illam tajid fad'u Allah 'azza wa jalla. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, an yaftah 'alayka wa yaftah lak plutôt abwab al-'ilm wal-huda. Si tu peux pas, ça arrive. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'ouvre les portes. Ne te précipite pas et fais des efforts. Fais des efforts et apprends ton din avec la langue que tu comprends. Commence par les bases et demande à Allah Azza wa Jalla sincèrement, il t'ouvrira les portes. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. On cite souvent ce verset pour Umur Dunya. Celui qui craint Allah, Allah il lui donnera du risque. Risque, c'est, il y a deux risques. Il y a risque Dunya, la nourriture, etc. Et il y a risque Al-Ilm Al-Huda. Et ça rentre bien sûr dans ce verset. Celui qui craint Allah, Allah il lui donnera. Il lui donnera du ilm. Il lui donnera la guider. Il lui donnera al-furqan. Enfin, ne pas se précipiter. كذلك جمل لسانك بذكر الله والصدق في الكلام والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك embellis ta langue. Si tu ne peux pas parler la langue arabe, tu ne sais pas parler la langue arabe, tu manques d'éloquence. Enfin, embellis ta langue avec le dhikr. La yazal lisanuka ratban bi dhikrillah. Hakada qala azza wa jalla. Hakada qala nabi alayhi salatu wasalam plutôt. Kadhalika as-sidq, écarte-toi des mensonges, dis la vérité. Kadhalika an-nasiha, conseil. Kadhalika al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Embellis ta langue avec toutes ces adorations et alhamdoulillah ton manque d'éloquence ou si tu ne maîtrises pas la langue arabe alors que tu as envie lakin tu n'as pas accès. Alhamdulillah, tu es à la khair. Wabillahi tawfiq. Dernier point. Pourquoi certains frères ils se sentent ka'annahum obligés d'apprendre la langue arabe inda ad-dhullal? Parce qu'il y a un manque chez nous, ya ikhwan. Celui qui a la capacité, qui a étudié, qui connaît les bases. Maintenant, nous, on a des dorous dans le hurouf. Et les dorous, ya ikhwan, on ne doit pas suivre la vague. Les dorous, ce n'est pas forcément du monde, encore moins, Iyadan Billah filmé, et il faut tout un tapage. On n'a pas besoin de ça, nous. Si tu as les capacités, toi et ton frère, maintenant, tu vas chez lui ou viens chez toi, et tu lui enseignes que les lettres. Si tu connais les lettres, Alif, Bata, Alhamdulillah, Ni'ma Azim. Peut-être qu'un autre après lui, il lui enseignera autre chose. Et il y a un manque, indana. Ils ont les capacités, ils ont les bases. Ils peuvent donner des cours en langue arabe à leurs frères, mais ils sont occupés. On est tous occupés, mais il faut trouver du temps. Il faut trouver du temps. Les mains d'aller, elle n'a si on ne fait pas d'efforts pour enseigner à nos frères, s'entraider avec nos frères. Ahlul bid'a wa dhalal yajtahidoun. Et tu trouves بعض الضعفاء النفوس, بعض الجهال, des débutants qui ne connaissent pas tout, tous ces points qu'on vient de citer. Il peut au départ apprendre la langue arabe auprès d'eux. Thumma, il devient un fervent défenseur de هؤلاء المبتدعة الضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ جميع إخواننا ونسأله عز وجل أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه والحمد لله. Et on passe au درس suivant. Inch'Allah ta'ala.